Do you want to sing a song, Aphrodite? Aphrodita? It's your time to choose. Yeah! I'm sorry. It's your time. Summertime. I live this business. Faster tempo. Yes. Allez. It's Ben who speaks with me. Yes, my name is Ben, and I say, if you want to sing a song, come on. Summertime, I'm living easy. Ah, you don't speak English. Alors, you could use Jam Taba. Okay, you speak Spanish? Spanish? Oh, Spanish? What? No. Because do you know is right to read me in the Hamada? Ah, okay. Yo or tu? Yo? Vale. Un momento. Luna depende de ti cantar. Up the street life, because a noble place can go. Street life. Ahora depende de ti cantar. Ahora depende de ti cantar. Mierda. Okay. Tienes que elegir una canción fácil. Tienes que elegir una canción fácil. Toca. You understand? Toca. I use Google Translate. Ah, fácil. Me gusta mucho. Vale. Es muy bonita. Vale. Me gusta mucho tu voz. Sí, es muy bonita. Muy bonita. Vale. Muy bonita. Basta la vie. A ver. Y'a pas de basse, mais je peux prendre une basse. Tu veux que je prenne la basse? I could play bass. Muy bonita. Thank you. Ta-ta-ta-ta-ta. Summertime. Ah, la isla bonita. La isla bonita. Summertime. Was just this house of San Pedro. Summertime? Oh. La que queráis. Summertime. Elegir. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta una patita nada más. De la cucaracha. Ya. Las dos patitas atrás. I take the bass. Mec, va, passons à otra canción, no sé, Summertime. Azul, la mañana es azul. Ça arrive pas, je pas tempo là. I restart the bass. I start the measure one. Ça va pas, on est pas carré. Valérie, there's a time I'm from for myself. I the wrong room hold to go away. I'm a one of the Does the bass is good or not? The bass is okay. La basse, elle est bonne. La basse, c'est ok. En note. I love you across the water. And I'm thinking I just a fun effect and oh, you were there. With you now that you don't know. That's better. Elle est partie, elle est partie. When I'm so true, oh, I will get you, oh, so sad because this girl is gone. For the first time, I hear the good voice in limbo. Je suis très triste, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle ne reviendra peut-être jamais. Oh oh, oh, oh. Je vais pleurer. Je vais chialer jusqu'à la fin de la journée. Je sais traîner les paroles. Oses-tu me parler d'amour? Toi qui n'as pas connu. Serge Gainsbourg. coming streets. J'avais lu l'histoire de Jesse James, comme il vécu, comme il est mort. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Bonnie. J'essaye, hein. Ça c'est la version. C'est pas mal ça. Mon master pète dans le rouge. Ouais, moi aussi. C'est la version remixée de Bonnie and Clyde. Hey, vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu, comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Le mec, il insiste. Et je veux faire Bonnie and Clyde. Je veux faire Bonnie and Clyde, la version cool, quoi. 1, 2, 3, 4. Ta gueule. Attendez, les choristes sont pas prêts. T'as une choriste qui a... Tais-toi la choriste. Attends, les choristes, c'est sexy. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il est vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous entendez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie et Clyde. Oui. Bonnie et Clyde. Alors moi, j'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit. mais il faut croire que la société me l'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ouais, Bonnie and Clyde. Pas écrit sur elle et moi. On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle. On est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Surtout le nom de Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, garage ou banque se fait braquer, pour la police, c'est toujours Clyde Bravo et Bonnie Parker. Maintenant, chaque fois qu'on essaye de se ranger, s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours, tac tac tac, des mitraillettes. Moi, un de ces jours, ouais, on tombera ensemble, Bonnie et moi. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie et Clyde. C'était la chanson pour Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moins 12 là. J'ai un machin pour moins 12. Ça, c'est dur à régler ce truc. Elle est forte la basse, non? Thank you. Salut, Kakol.